Bien, bah c'est France Impro en effet ce matin. Avec un petit problème technique, comme vous avez pu vous en rendre compte. En fait, j'étais parti, bah, le cœur léger, porté par ce soleil inattendu. Et j'avais laissé chez moi l'ensemble du matériel nécessaire pour faire l'émission, notes, bouquins et musique. Donc nous voilà démarrant avec une petite demi-heure de retard. On a déjà entendu une partie de ce qui fera l'émission, c'est-à-dire on va parler guitariste, on va parler de Derek Bailey, on va parler de John Russell, peut-être aussi de Fred Frith, on verra si on a le temps parce qu'on n'a plus qu'une demi-heure finalement. Et on a écouté tout à l'heure, là déjà dans quelques premières minutes, un disque de Derek Bailey avec Steve Lacy au saxophone. Et on a pu se rendre compte finalement que ce guitariste qui est né en 1930 à Sheffield en fait. Alors j'essaie d'arrêter le matériel, voilà, stop. Bon, décidément ce matin le matériel c'est compliqué. Bien, en fait oui, il est très, il est réputé, Derek Bailey bien sûr, pour son style tout d'abord, qui est jugé ardu par les gens qui l'écoutent et les gens qui le connaissent, par un côté discontinu, dissonant, peu mélodique, dont on a pu entendre l'exemple avec ce qu'il a fait avec Steve Lacy dans le disque précédent. Et ensuite, on parlera un peu plus tard tout à l'heure de son travail sur la recherche qu'il avait menée avec les Company Wicks, qui est à la fois une recherche, à la fois, on va dire, sociologique, politique et musicale, bien sûr, tout d'abord. Bon, on va passer maintenant à un disque qu'il a fait avec Barry Phillips à la basse, un disque que je trouve magnifique. Je vais vous passer le quatrième morceau, qui s'appelle 100 ans, From Today. Alors, c'est parti. Thank you. Thank you. Alors ce disque Figuring, qui a été enregistré entre 88 et 89 à Londres, est exactement au centre de la période de Derek Bailey, lorsqu'il avait lancé les compagnies Wix à Londres entre 77 et 94. En fait, sa démarche était une démarche de recherche sur la musique non idiomatique, et avec la volonté de laisser de côté toute forme de canevas préétabli et de règles. L'idée, c'était de rompre et de rejeter toute forme établie de rencontres, de groupes, d'affinités permanentes, mais au contraire de se concentrer sur des séries de rencontres inédites entre musiciens, ne se connaissant pas forcément ou jouant pas forcément ensemble régulièrement. Donc c'était intitulé Les Compagnies Wix, c'était durant presque une vingtaine d'années. En fait, Derek Bailey était vraiment concentré sur le souci de la continuelle confrontation avec l'ambition de créer une différence musicale et d'utiliser les différences entre les personnes pour la manifestation et la création de l'improvisation. Pour lui, la différence musicale était la seule à même de permettre l'avènement d'une réelle improvisation. Selon lui, c'est la rencontre des différences qui favorise l'improvisation et permet également à chacun des musiciens concernés de différer. Donc pendant ces 15 ans, il a mené une recherche approfondie en direction de l'improvisation concernant ses conditions de possibilité notamment, mais également l'alternative sociale et politique qu'elle tente à dessiner. On y reviendra. En fait, il n'est intéressé ni par l'idée d'une amélioration d'un langage musical personnel, ni par celle d'une spécialisation stylistique. On peut dire que ces moments de création des compagnies Wix se place finalement au moment où l'élan collectif et l'utopie communautaire de la fin des années 60 perdent de leur vitalité. Je cite Bailey là, dans les années 70, il dit que les rapports collectifs dans lesquels les dynamiques informelles ne sont pas explicitées aboutissent à une tyrannie qui ne dit pas son nom. les meilleurs improvisateurs se sont rendus compte que leur musique exigeait un état de conscience continu. Et la spontanéité a pour contrepartie inévitable l'apparition de thèmes répétitifs et de tics de comportement, la sclérose et le bavardage stérile. En fait, c'est tout cela qui le conduit à rejeter les groupes établis et à promouvoir finalement un champ d'investigation basé sur la rencontre, informelle, éphémère. Alors, ces rencontres éphémères, pour autant, ne sont pas affranchies de toute règle ou toute limitation de la liberté. En fait, ils proposent qu'elles s'articulent au sein d'un jeu de contraintes singulier et évolutif. Et pour lui, c'est un équipement pour favoriser la pratique de la liberté. En fait, au groupe de fidèles et de compagnons avec qui l'on fonde une esthétique propre et un travail assidu et de longue durée, il les préfère les formations temporaires. Aux répétitions régulières, il privilégie l'agenda au jour le jour, des musiciens qui, sans avoir jamais joué ensemble, peuvent se réunir en vue d'une activité précise, improvisée à telle date et à telle heure. Chaque formation ne se réunit que pour la durée d'un concert, qui pourra être reconduit ou non. Et se déliera avant que les symptômes d'un groupe fixe ne se manifestent. Musiciens et auditeurs se trouvent alors dans une posture radicale, confrontés à l'imprévisible. Ils sont dans l'incapacité de se fonder, dans leur jeu comme dans leur écoute, sur des expériences passées. La première édition des Compagnies Wix prit place à l'Institute of Contemporary Art de Londres le 24 mai 1977. Elle comprenait, outre Bailey, une longue série de musiciens comme Steve Lassie, Tristan Singer au violoncelle, Steve Beresford au piano, Lol Coxill au saxophone soprano, Evan Parker au saxophone soprano et ténor, etc. etc. Tous connaissaient ou du moins avaient entendu parler de leur travail respectif et pratiquaient l'improvisation. Chaque musicien, en tant que singularité active, se doit d'être compris dans une certaine mesure comme minoritaire. Et le projet Company Weeks, tel que Bailey l'envisage, consiste bel et bien à favoriser cette dynamique. Le musicien, à travers la rencontre, s'émancipe de l'idiome pour rejoindre le possible. Ajoutons en outre que, compte tenu du caractère éphémère de ces rencontres, la différence improvisée qui s'y réalise est inéluctablement marquée par une certaine précarité. Vous conviendrez que le radicalisme confère à sa conception de l'improvisation un caractère teinté d'idéalisme. J'avoue que ça me plaît assez. Bailey mentionne notamment que dans Company Weeks, le but n'est pas forcément de produire de la bonne musique, mais de proposer des expériences qui, en tant que telles, pouvaient également aboutir à des échecs esthétiques, bien sûr. L'improvisation non idiomatique ne doit pas être prise en ce sens comprise comme l'absence d'idiome en tant que sonorité ou identité musicale reconnaissable, mais comme l'insistance sur le processus même de l'improvisation qui reconduit toujours ce dernier dans un devenir qui le contredit. Bailey insiste d'ailleurs sur sa démarche de réaction contre la logique économique. Parlant des festivals, il mentionne que les Company Weeks et ce type de rencontres s'écartent de la logique économique qui régit habituellement le spectacle vivant. Il ne s'agit en effet pas ici de mettre en place une programmation vivant à favoriser la venue d'un public nombreux, mais davantage d'expérimenter des rencontres dont la seule motivation serait un possible intérêt musical. Il ne s'agit pas de produire des concerts de stars, mais de proposer une alternative à cette idéologie. Le principe d'organisation qui refuse d'établir une quelconque hiérarchie entre les participants. Résonance symbolique concernant la manière dont les gens et les choses pourraient s'organiser. Le projet Company Week s'efforce ainsi d'établir des rapports horizontaux entre les musiciens et ce faisant, tâche d'accorder son organisation même au principe de l'improvisation. Il n'y a pas de place pour les idées préconçues ou les réputations. L'exact opposé d'un festival qui, lui, est construit sur ces deux choses. Company Week, c'est un fossé boueux, là où les choses poussent réellement. Les Company Week se voulaient des constructions sur site. Elles se positionnent de manière critique à l'égard de l'industrie musicale. Company Weeks a été instaurée pendant une période de dégradation massive des luttes et des consciences, la domination des années Thatcher Reagan des années 80. Elle rappelle aussi le lien insécable qui existe entre les dimensions musicales et politiques dans cette pratique. Thank you. On enchaîne avec un disque de John Russell avec Roger Turner à la aux percussions, un disque qui s'appelle Birthday. Alors, c'était France Impro. Il est bientôt 11h. Je vais vous parler d'un concert au niveau de l'agenda. Il n'y a qu'une chose que j'identifie dans l'agenda des sonophages. C'est le 29 novembre. C'est le concert Ménix qui a lieu à l'espace R à Saran. Donc, c'est pas tout près de Toulouse, c'est dans le Gers. Mais il y aura un beau trio avec Julien Chamia à la batterie, Sébastien Sirotto à la trompette et Laurence William au saxophone. Voilà, je vais laisser la place à l'émission qui arrive. Je les vois qui s'installent devant moi. On se retrouve dans 15 jours. Et à très bientôt. Là, je vous laisse un petit moment avec John Russell et Roger Turner. C'est parti. Allez, portez-vous bien. À dans 15 jours. Everything when they are earth, when they are moon.